إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, hein, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, Ibn Abdullah Al-Fawzan. Et c'est un charh qui s'intitule Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc, on est toujours dans l'épreuve de la sunna au sujet de Al-Ulu. Au sujet de Al-Ulu, c'est-à-dire au fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, qu'il est le très haut. Al-Aliyul A'la, hein? Al-Ali, le très haut. Al-A'la, le plus haut, hein? Et qu'il est mustawin ala arshihi, qu'il est, hein, élevé au-dessus de son trône. Et on affirme ces attributs-là comme cela lui convient, comme cela convient à sa majesté et à sa grandeur, hein, et que ça c'est une perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a aucune imperfection dans ses caractéristiques et dans ses attributs. Alhamdulillah. Donc, juste avant de commencer, mentionner également un point important que le Cheikh Ibn Taymiyyah mentionne souvent, et Cheikh Al-Fawzan, et tous les ulama, alhamdulillah, ils mentionnent ce point. Et on va le mentionner aussi de toute façon un peu plus loin dans le livre. C'est le fait que la qibla pour le dua, c'est al-ulu, c'est au-dessus de. Yani, qu'est-ce qui est au-dessus? On élève nos mains. Lorsqu'on fait dua, on lève nos mains vers le ciel. Et ça, c'est une des plus grandes preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Hein? Lorsqu'on fait le dua, on élève toujours nos mains vers le ciel, vers le haut, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous. Et ça fait partie de qu'est-ce qui est inscrit dans notre fitra, hein, dans notre nature profonde, dans notre être, hein. Donc ça, c'est un des éléments les plus forts et les plus clairs à ce sujet-là. Tandis que les gens de bid'ah, eux, qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala est dans toutes choses et qu'il est partout, eh bien, il n'y a pas de doute que ces gens-là, ils opposent les significations et les preuves claires du Coran et de la Sunna, et en même temps aussi, ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'aucun croyant n'a le droit d'affirmer ou d'attribuer ou d'imputer à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'on rencontre par exemple certains de ces soufis ou certains de ces gens parmi les égarés qui disent ce genre de choses ou qui croient en ce genre de croyances. Comme ça m'est déjà arrivé une fois, hein, il me disait par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, qu'il est dans toutes choses. Alors je lui ai dit, tu dis que Allah est partout, est-ce que tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala est également dans la toilette, hein? A'udhu billah. Est-ce que tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le porc et dans les impuretés, hein? Ou bien est-ce que tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces genres de choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié de ce genre de choses. Et on n'a pas le droit de d'affirmer ce genre de choses ou de mentionner ce genre de choses même à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour leur montrer en même temps la fausseté de ce qu'ils croient et l'absurdité de ce qu'ils disent. Hein? Donc, bien entendu, ils vont dire non. Hein? Bien entendu, ils vont dire non. Et donc, c'est pour dire que certains d'entre eux vont dire non, mais il y en a qui ont même quand même le culot d'aller jusqu'à dire oui à ces questions-là parmi les gens de l'égarement et parmi ces gens-là comme Ibn Arabi et Al-Hallaj et d'autres également. Et ça a été rapporté dans les livres même d'Ibn Arabi qu'il mentionne ce genre de choses-là à propos d'Allah. Hein? Donc, c'est pour dire à quel point leur kufr est grand et leur kufr est grave et que leur égarement est éloigné et très, très, très, très loin dans l'égarement. Donc, il faut toujours rappeler ces gens-là, leur dire qu'est-ce que c'est leur aqidah, parce que ça, c'est relié directement au tawhid et c'est relié directement à la aqidah. Hein? Et la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est ça. Donc, tu leur demandes où est Allah. Hein? Si vous dites que vous êtes des musulmans, vous dites que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous prétendez que vous êtes sur la voie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, hein? Comme le font par exemple les Ahbash ou bien les Asha'ira, les Maturidiyah, ils prétendent être Ahl al-Sunnah, alors vous leur demandez où est Allah. Et vous voyez tout de suite que cette question-là, ils ne peuvent pas la supporter, ils ne peuvent pas l'accepter. Et on est arrivé justement dans les preuves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on est arrivé à ce hadith. On est arrivé au le hadith qu'on appelle Hadithul Jariya. Hadithul Jariya, c'est-à-dire le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question lui-même à une jeune fille, une jeune esclave, lui demandant yani cette question, où est Allah? Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit dans Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra wa qawluhu fi al-hadith as-sahih lil-jariya ayna Allah qalat fi as-sama' qala man ana qalat rasulullah qala a'tiqha i'tiqha fa innaha mu'mina. Donc c'est ce que Cheikh l'Islam mentionne ici. Donc il dit c'est également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique de Al-Jariya, c'est-à-dire la jeune fille esclave, qui est rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih, selon les hadiths de Muawiyah ibn al-Hakam al-Salami, radiyallahu anhu. Donc, il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au messager d'Allah, où est Allah? Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la jeune esclave, où est Allah? Elle a répondu « Fis sama », c'est-à-dire dans les cieux, dans le ciel. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ensuite « Man ana, qui suis-je ?» Et elle a répondu « Rasulullah », c'est-à-dire « Tu es le messager d'Allah ». Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah ibn al-Hakam « Libère-la, car c'est une croyante. Libère-la, car c'est une croyante. » Et le hadith entier ou le hadith au complet de cet événement ou de cette histoire, c'est lorsque Muawiyah ibn al-Hakam avait donc cette jeune esclave qu'il avait et qui surveillait son troupeau de moutons. Hein? Il l'envoyait, elle partait avec les moutons pour les faire manger, les faire brouter et ainsi de suite. Mais pendant qu'elle était en train de les faire brouter, il y a un loup qui est venu, puis je pense qu'il y en a un d'entre ces loups-là qui en a mangé de ses moutons. Il y en a un de ces loups, un loup qui est venu manger un de ses moutons. Alors, lorsque Muawiyah ibn al-Hakam a appris qu'un de ses moutons avait été mangé par le loup, eh bien, il a été en colère et il a frappé cette jeune esclave au visage. Puis, il s'est senti mal et il a eu honte de ce qu'il avait fait, et donc il voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour expier le fait de l'avoir frappé et pour se faire pardonner de ça. Donc il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour lui demander donc est-ce qu'il pouvait la libérer comme expiation de ça. Et lorsqu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a testé pour voir si elle était une croyante ou non. Alors, il lui a posé la question, où est Allah? C'est la preuve qu'on a le droit de poser cette question, premièrement, et la réponse de cette jeune esclave est la preuve qui supporte la position yani, de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous et qu'il est dans les cieux, au-dessus de son trône. Donc, elle a dit « Fissama ». Et ensuite, il a demandé « Qui suis-je ?» et elle a dit « Tu es le messager d'Allah ». Donc, il a dit « Libère-la car c'est une croyante ». C'est un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prouver que cette jeune esclave était effectivement une vraie croyante. Parce qu'elle croyait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création dans les cieux. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là, et il dit « Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami latama jariyatan lahu ya'ni darabaha ghadaban alayha thumma nadima ala darbiha wa arada an yukaffir an fi'lihi فأراد اعتاقها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي في اعتاقها والنبي صلى الله عليه وسلم اختبرها فقال لها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة لما قالت الله في السماء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان فدل هذا على فوائد عظيمة. Donc, tout ce que je viens de lire en arabe maintenant, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. D'accord? Donc, on ne va pas le retraduire. On va juste mentionner qu'est-ce que le cheikh a dit après. Il a dit que lorsque cette jeune esclave a répondu en disant que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant, comme ayant la foi. Il a répondu en disant que cette jeune esclave a la foi, elle a l'iman, c'est une mu'mina. Donc ça, ce hadith-là, il prouve ou il ramène des éléments très très importants et très grands. Donc il va énumérer quelques points importants dans ce hadith. أولاً فيه أنه يجوز السؤال بقول أين أين الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله يعني في أي جهة وهذا أمر جائز يعلم به الجاهل يعلم به الجاهل أي نعم يعلم به الجاهل. Donc le cheikh il dit, premièrement, le premier point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il est permis de poser la question où est Allah, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit où est Allah, c'est-à-dire dans quelle direction. Et ça, c'est une chose qui est permise et qu'on peut utiliser pour enseigner à la personne ignorante. Une question qui est permise à poser, qu'on a le droit de poser et qu'on peut demander à une personne lorsqu'elle est, elle est ignorante dans le but de lui enseigner la foi et de lui enseigner la bonne aqida. Où est Allah? Ça, c'est une question permise. ثانياً فيه أن من وصف الله بالعلو فهو مؤمن ومن لم يثبت العلو لله عز وجل فوق السماوات فهو كافر ولا أشد ولا أشد ولا أشد على المعطلة من هذا الحديث أين الله يقولون لا يجوز أن تقول أين الله لأن الله في كل مكان عندهم أو ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره فيلزم أن يكون معدوما عندهم. Donc le cheikh il dit, le deuxième point par rapport à ce hadith, le hadith de la jeune esclave, c'est que on a le droit de décrire Allah, on doit décrire Allah comme étant au-dessus de sa création. Et il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt il a décrit Allah, la personne qui a dit à propos d'Allah qu'elle est au-dessus de nous, qu'elle est, qui a décrit Allah comme étant dans le ciel ou au-dessus de nous, donc que c'est un croyant. Et celui qui n'affirme pas que Allah est au-dessus, au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, il est kafir. Celui qui décrit Allah comme étant au-dessus de sa création, c'est un croyant. Celui qui ne l'affirme pas, qui n'affirme pas que Allah est au-dessus de sa création, dans ce cas-là, c'est un kafir. Et le cheikh dit qu'il n'y a rien de plus dur. Sur les gens qui nient les attributs d'Allah, il n'y a rien de plus dur pour eux que d'entendre ce hadith où on entend la question « Où est Allah ?» Parce que eux, ils croient que c'est pas permis de dire « Où est Allah ?» Hein? Parce que eux, ils croient que Allah est partout. Donc, quand tu leur demandes « Où est Allah ?» ils disent « Allah est partout. » Hein? Il est partout. Et, ou bien il y en a d'autres qui disent parmi eux « Il est nulle part. » Il n'est pas dans un endroit. Il n'est pas à l'intérieur du monde. Il n'est pas à l'extérieur du monde. Il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas, hein, puis il commence à nier, jusqu'à la fin, yani, tu vois que ça implique, leur négation implique à la fin qu'il n'existe pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils décrivent le néant pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala en décrivant ce qui n'existe pas, ce qui est néant, hein. Ce qu'ils disent, Allah n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Hein? Il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Donc il est où? Il est nulle part. Il n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc une forme d'athéisme, cette parole. Hein? Et l'autre, ceux qui disent qu'Allah est partout, ben c'est une forme de panthéisme. Hein? Ceux qui disent que yani, toute chose est Allah, et Allah est tout, et dans tout, et partout, et qu'il ne faut pas distinguer entre le créateur et la créature. Hein. Donc ça, c'est la croyance des bouddhistes et des hindous, et des chrétiens qui croient que Dieu est en Jésus, ou des choses comme ça. Hein. Parce que c'est un argument contre eux aussi. Parce que si tu dis que Dieu est dans tout, et partout, donc ça veut dire que Dieu est en Jésus aussi. Étant Marie, étant X et Y et Z. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, la parole de ces gens-là, elle est pire que la parole des chrétiens. Parce que les chrétiens disent que Dieu est en Jésus, ou en Marie, ou en certaines créatures. Eux disent que Dieu est dans toutes les créatures au complet. Donc qui est-ce qui est plus grave comme mécréance? Et qui est plus encore, et qui est plus égaré dans leur coffre et dans leur shirk, est-ce que c'est celui qui dit que Dieu est dans une seule personne ou celui qui dit qu'il est dans toutes les créatures et tous les êtres humains et toutes les choses? Il n'y a pas de doute que la croyance de ces gens-là, de ces soufis ou de ces individus qui disent que Allah est partout et dans tout, que cette croyance-là est encore plus grave que la croyance des chrétiens. Hein? Donc ça, c'est un exemple pour réfuter les Asha'ira et les Maturidiyya, et les Jahmiyya, et les Mu'tazila, et ainsi de suite. Hein? Donc, ça c'est un point très important. Les hindous, ils disent, Dieu était incarné, ou il était apparu dans certains êtres humains. Puis ils vont nommer par exemple, Rama, Vishnu, hein? Et Krishna, et d'autres êtres humains comme ça, et d'autres, même des animaux. Hein, ils prétendent que c'est des incarnations de Dieu, des avatars de Dieu. Ça, c'est du shirk. Les chrétiens, eux, ont dit, Dieu est apparu dans la personne de Jésus. Il est venu dans son corps, il s'est incarné. Hein, il est devenu chair. Donc, ils ont fait aussi le shirk avec ces croyances de shirk, de croire que Dieu entre dans des êtres humains ou des choses comme ça. Puis les soufis, elles sont arrivées aussi, ils ont copié la parole des yani les soufis, les jahmiyas, tous ces gens-là sont tous mélangés. Hein. Alors, ils ont des croyances qui sont yani partagées entre eux. Donc ils sont venus, ils ont copié la même aqida que les hindous et que les bouddhistes, yani, et que les grecs de l'antiquité, hein, et yani, toutes les paroles des mouchriquins, des chrétiens, des juifs, et ils ont dit oui, Dieu peut. Dieu est dans sa création, il est mélangé avec sa création, il est partout, il est dans tout, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des exemples de kufr et de shirk, et yani, les prophètes sont venus pour clarifier la vraie aqida à propos d'Allah, et expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Hein. Et des fois, tu vois par exemple, il y a des ahbash qui vont dire, si tu dis que Dieu est au-dessus de son trône, ça c'est la croyance des juifs, ça c'est la croyance des juifs et des chrétiens, parce que c'est écrit dans leur livre. Ben, alhamdoulilah, dans ce sens-là, que s'ils affirment ça, eh bien c'est dans le sens que c'est en accord avec ce que les prophètes ont dit, et que ça fait partie des choses qui sont vraies, dans leur livre. Et donc, on l'affirme nous aussi parce que c'est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Et ça confirme ce que les autres prophètes ont dit avant. Hein? Tandis que eux, ce qu'ils prétendent, ce qu'ils disent, ça fait partie des mensonges que les chrétiens ont inventés du fait de dire que Dieu est en Jésus ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'ils ont inventées et que Jésus n'a jamais dit. Hein? Bon, on va continuer maintenant avec une autre explication de ce point-là, avec plein de, un peu plus de petits détails, dans le sharh du Cheikh Yani Abdelaziz Al-Rajihi. Cheikh Abdelaziz Ibn Abdillah Al-Rajihi, il a un sharh lui aussi de Al-Fatwa Al-Hamawiyya qui s'appelle Al-Nafahat Al-Miskiyya Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et dans son sharh, il mentionne cette question de ce hadith, le hadith de la Jariya, de Al-Jariya. Et il donne des points très très intéressants, donc on va le lire ensemble. Le Cheikh il dit فأقر صلى الله عليه وسلم الجارية لما أجابت بقولها في السماء لما سألها أين الله على السؤال عن الله بأين وأين وإنما يسأل بها عن المكان ولهذا لما قالت في السماء أقرها على ذلك فهذا من أدلة علو الله على خلقه وجواز السؤال عنه بأين. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a confirmé yani et approuvé ce que cette jeune esclave avait répondu en disant il est dans les cieux lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé la question où est Allah. Et donc la question de dire à propos d'Allah ou de poser la question de où hein, ou par rapport à Allah, yani, ça c'est quelque chose que, yani, comme on a dit tout à l'heure, les gens, eux, ils n'aiment pas ça. Mais ça c'est la preuve qu'on a le droit de poser la question de où, en parlant de Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on demande, ou lorsqu'on pose la question et qu'on demande le où, on dit où est quelque chose, c'est par rapport à un lieu ou à un endroit, hein. Et c'est pour ça que lorsque il a demandé à cet esclave où est Allah et qu'elle a dit dans les cieux, eh bien il a approuvé d'elle ce qu'elle a répondu et ce qu'elle a dit. Et donc ça devient une preuve pour nous de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous et qu'il est au-dessus de sa création. Et ça prouve également la permissibilité de dire où et de poser la question ou à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit wa amma ahlul bid'ah fa innahum yujlibuna bi khaylihim wa rijlihim ala kalimati ayn wa yaqulun hadha khata min al jariya wa rasul sallallahu alayhi wa sallam aqarraha ala al khata mura'atan li aqliha ay annahu khatabaha ala miqdari aqliha وإلا فلن تفهم الجارية مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فالحاصل أنهم يقولون لا يسأل عن الله بأين لأن السؤال عنه بأين يقتضي أنه تعالى في مكان وإذا كان في مكان فيقولون محدودا متحيزا وهذا نقص في حقه تعالى وانتقاص له بل جعل أهل البدع هذا القول من قبيل الكفر فهم يكفرون من يقول الله في السماء وإذا رفعت أصابعك إلى السماء يعني قطع أصبعك قطع أصبعك الجهمي لأنه يقول هذا تنقص لله فهم يخطئون الجارية ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم غرها بسؤال فاسد وأقرها على جوابها الفاسد مراعة لعقلها وهكذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc écoutez bien qu'est-ce que le cheikh dit maintenant. Il dit en ce qui concerne les gens de bid'ah, eux, yani, ils sortent leurs troupes et leurs chevaux contre cette parole. Hein, ils sortent leurs armées contre cette parole ou contre la question « où ». Et ils disent que c'est une erreur. La réponse de cette esclave, elle était incorrecte. Et que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a accepté, c'est-à-dire il a accepté son erreur, il a approuvé son erreur, pour, par précaution ou bien par considération de sa raison, son niveau intellectuel. Hein, c'est-à-dire qu'il lui a parlé selon son niveau intellectuel. Sinon, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire en lui posant cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, hein, en résumé? C'est qu'on n'a pas le droit de demander à propos d'Allah où il est. Parce que pour eux, de demander où il est implique qu'il est dans un endroit, dans un lieu. Hein? Et si on dit qu'il est dans un lieu ou dans un endroit ou dans un espace, eh bien, ça veut dire qu'il est limité, hein, qu'il est encerclé ou cerné. Et ça, c'est une imperfection à propos d'Allah. Hein, et c'est c'est de diminuer ou de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que les jeunes bid'a ont fait de cette parole, de cette question, de demander le « où » à propos d'Allah, ils en ont fait quelque chose qui est kufr. Donc, ils déclarent kafir, ils déclarent mécréant, toute personne qui dit que Allah est dans les cieux, ou que Allah est dans le ciel. Donc, pour le jahmi, yani pour les jahmi, si tu lèves ton doigt vers le ciel, en pointant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il te coupe le doigt. Hein, certains d'entre eux, ils vont même aller jusqu'à te couper le doigt. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça, c'est comme si tu diminues Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils déclarent donc que l'esclave, la jeune esclave, a commis une erreur en disant que Allah est dans le ciel. Et ils disent que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a trompé en lui posant une question fausse et qu'il l'a approuvé sur sa fausse réponse par considération pour son intelligence ou pour son niveau, son niveau faible intellectuel. Donc, c'est ainsi qu'ils accusent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est ainsi qu'ils accusent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est grave. Yani, c'est comme s'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti intentionnellement et aurait approuvé une erreur intentionnellement. Et ça, c'est une grave accusation contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Al-Rajihi dit ensuite: ولبئس ما قالوا أيعجز الرسول صلى الله عليه وسلم أي أفصح الناس عن أن يقول من الله أيترك الأوجز إلى الأكثر إطنابا أيترك من التي هي حرفان إلى أين وهي ثلاثة حروف. Donc le chef, il pose la question, il dit: c'est comme est malheureux ce qu'ils ont dit. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était la personne la plus éloquente et la plus claire dans sa façon de parler, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était incapable de poser la question et de demander qui est Allah, hein? C'est-à-dire man illah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va laisser de côté qu'est-ce qui est plus court, qu'est-ce qui a moins de lettres, pour qu'est-ce qui a plus de lettres, comme par exemple quand il demande, s'il aurait demandé man illa, qui est Allah? Man en arabe, il a deux lettres seulement, mim et nun, c'est deux lettres. Et aina, il est composé de trois lettres, le alif, le ya et le nun. Donc, si il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trompé cette esclave et qu'il a voulu approuver son erreur, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas capable de clarifier et d'expliquer et de poser une question plus simple pour elle en lui demandant qui est Allah ou des choses comme ça? Mais il a préféré qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce qui a trois lettres au lieu de deux. Donc le cheikh il dit ensuite: وبعضهم سلك مسلك تضعيف الحديث وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم ولكن الهوى والعياذ بالله ومتابعة أهل البدع وأهل الضلال حملهم على هذا. Il y en a une autre catégorie où il y en a certains d'entre eux, parmi les jeunes bid'a, qui ont essayé de prendre la voie d'essayer de déclarer ce hadith faible. Donc, tu en vois parmi eux, par exemple, qui prétendent ou qui essaient de dire ce hadith-là, il n'est pas authentique. Ils essaient de le déclarer faible. Alors que c'est un hadith authentique, authentique qui se retrouve dans Sahih Muslim. Hein? Donc, comment ils pourraient le déclarer faible? Mais le cheikh dit, mais c'est les passions. Voilà, yadoubillah. Car Allah nous en préserve. Et le fait de suivre les gens de l'innovation et les gens de l'égarement qui les a amenés et poussés à dire ce genre de choses. وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا. Ce qu'ils ont dit, on craint que c'est ça qui soit le kufr. وَلَكِنْ قَدْ يُقَالْ إِنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ وأهل كفر والجهمية كفرهم 500 عالم كما ذكر ابن القيم والمعتزلة كفرهم أيضا جمع من أهل العلم نسأل الله السلامة والعافية. Le cheikh il dit, et on craint par cette parole que ce soit également une forme de mécréance aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et c'est pour ça que, on dit à leur sujet que ce sont des gens qui ont un ta'wil. Hein. Ils ont fait une erreur de compréhension et d'interprétation. Hein. Et il y en a d'autres savants qui ont dit que ce sont des gens de kufr. Comme les Jahmiyya, plus de 500 savants les ont déclarés kuffar. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il le rapporte dans An-Nuniyya. Il mentionne que plus de 500 d'entre les imams de la Sunna ont déclaré les Jahmiyyah comme étant des kuffars. Hein? Et les Mu'tazila ont été déclarés kuffars par un grand nombre de savants aussi. Toutefois, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, il mentionne et il dit que les ulama, ils n'ont pas fait le takfir des Mu'tazila du fait qu'ils ont affirmé les noms d'Allah. Et ils ont dit que l'affirmation des noms implique automatiquement l'affirmation des attributs, même si eux, les Mu'tazila, nient ces attributs-là. Mais ils se sont contredits eux-mêmes en affirmant les noms et en niant les attributs, puisque les noms impliquent des attributs. Donc ça, c'est des divergences qui existent entre certains des ulama par rapport à ça. Est-ce que les Mu'tazila sont kuffar ou non? Et les Jahmiyya, plus que 500 d'entre les imams de l'islam ont déclaré les Jahmiyya kuffar parce qu'ils nient les noms et les attributs. Donc eux, c'est clair, hein, que ce sont des kuffar. Tandis que les Mu'tazila et les Jahmiyya, les Asha'ira et les Maturidiyya, les savants ne les ont pas déclarés kuffar à cause de du fait qu'ils sont tombés dans le ta'wil et ainsi de suite. Et même l'imam Ahmad, quand on lui a posé la question à propos d'eux, est-ce que ce sont les kuffars, hein, les Mu'tazila, ceux qui les ont suivis, et il a dit qu'il ne les déclarait pas kuffars, parce qu'il les considérait comme des ignorants, hein, des gens qui avaient des shubuhat, des gens qui ne savaient pas de quoi qu'est-ce qu'ils disaient. ومن العلماء من قال إنهم مبتدعة وإنهم متأولون ولا تصل بدعتهم إلى الكفر. C'est ça que le cheikh il dit ici. Il dit, parmi les ulama, il y en a qui ont dit ce sont des mubtadi'a, ce sont des innovateurs, et ce sont des muta'awiloun, c'est-à-dire ce sont des gens, ils ont une erreur dans leur compréhension, dans leur interprétation, et leur bid'a ne les amène pas jusqu'au kufr. C'est-à-dire que ça ne les fait pas sortir de l'islam. Donc ça, c'est différents points de vue des ulama par rapport à ces questions-là. Donc ça, c'est le point que je voulais citer et mentionner par rapport à l'explication du cheikh ici. Cheikh Ar-Rajihi, je trouvais qu'il ramenait des petits détails intéressants pour faire comprendre... Donc, on continue. avec la suite de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah quand il dit qawluhu fi al-hadith al-sahih inna Allah lamma khalaq al-khalq kataba fi kitabin mawdu'in 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati sabaqat ghadabi. Donc ici le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne un autre hadith et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira et il dit que yani dans ce hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et il a écrit dans un livre qui est placé près de lui hein, au-dessus du trône ma miséricorde a précédé ma colère, ma miséricorde a précédé ma colère. Donc ça c'est écrit dans un livre placé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du trône. Donc ça c'est une preuve claire hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Et c'est dans un hadith authentique. Le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là wa dalla ala anna Allah fawqa al-arsh subhanahu wa ta'ala wal arsh huwa a'la al-makhluqat wa laysa fawqahu shay'un min al-makhluqat wa Allah 'azza wa jalla fawqa al-arsh fawqiyatun تليق بجلاله فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه محتاج إلى العرش أو أن العرش يحمله بل هو الذي يحمل العرش بقدرته ويمسكه بقدرته. Donc le Cheikh dit que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala et que le trône c'est la plus élevée de toutes les créatures et qu'il n'y a rien hein, au-dessus du trône il n'y a rien de créature, des créatures et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône et il est au-dessus de ce trône d'une manière qui convient à sa majesté hein. Et je me souviens aussi parce que j'entendais une parole ou une shubha de ces gens-là, parmi les gens qui nient les attributs d'Allah et qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de son trône. Il mentionnait quelque chose et je voulais juste clarifier par rapport à ça justement que le trône, la façon comment les ulama l'ont expliqué ou l'ont clarifié dans les explications des hadiths, c'est que le trône il n'est pas, c'est-à-dire il est comme une de forme sphérique, pas sphérique mais comme il est comme un dôme, hein, c'est ça. Il est comme un dôme par-dessus la création qui est par-dessus la création sous la forme d'un dôme. Et ça c'était clarifié, expliqué dans certaines paroles des salafs à ce sujet. Et je pense qu'on en avait parlé dans l'explication de Kitab al-Tawhid, hein, dans les cours de Kitab al-Tawhid, à la fin, le dernier chapitre, on en a parlé. Donc j'irai vérifier ça pour être certain encore une fois hein, par la suite, Inch'Allah. Donc c'est pour dire que le trône, c'est pas un trône qui ressemble au trône des créatures. Le trône d'Allah, il est différent du trône des êtres humains. Et il ne faut pas faire de comparaison, essayer d'imaginer comment il est le trône d'Allah et comment Allah est sur ce trône. Hein. Donc le Cheikh, il explique ça ici. Il dit qu'il est sur son trône, au-dessus, il est au-dessus de ce trône d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Et ça ne veut pas dire que Allah a besoin de ce trône. En fait, Allah n'a aucun besoin de ce trône. C'est plutôt le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et la même chose pour le trône, c'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte son trône par sa force, par sa puissance, hein, et qui supporte également les cieux et la terre et ainsi de suite et toutes les créatures. Il dit wa fihi wasfu Allah bi annahu yaktub subhanahu wa ta'ala. Il y a également la description ici d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qu'il écrit, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala écrit. وفيه أن وفيه أن بعض المخلوقات عنده سبحانه عندية مكان وعندية شرف كما قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. Donc ici le cheikh explique qu'il y a certaines créatures qui sont auprès d'Allah. Hein? Quand on dit inda en arabe, inda ça veut dire chez quelqu'un ou bien auprès de quelqu'un. Hein? Et ici, lorsqu'on dit indallah dans le hadith, indahu fawq al-arsh, c'est indiyatu makan, c'est-à-dire que c'est près de lui. Donc, le cheikh al-Fawzan explique, il dit il y a la preuve que certaines créatures sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani près de lui, en proximité de lieu et en proximité de noblesse. Hein. Et il dit comme قال تعالى وإن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. C'est le verset 206 dans sourate Al-Araf. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'enflent pas d'orgueil de l'adorer. Hein, ne s'enflent pas d'orgueil de son adoration. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. إسناده على شرط الشيخين. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et Ahmad et Ibn Khuzaymah dans le kitab al-Tawhid selon Abi Huraira. Et Al-Busiri, il dit هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. Donc c'est-à-dire que cette chaîne de transmission elle est authentique et les hommes qui sont dans cette chaîne de transmission sont des rapporteurs fiables. Et donc il est rapporté selon Abi Huraira, comme je disais. C'est le hadith où on mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre l'âme lorsque quelqu'un meurt. Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges pour prendre leur âme. Et dans le hadith, il y a un passage où il y a un endroit dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jusqu'à ce que on monte avec elle, c'est-à-dire qu'on monte avec cette âme jusque dans le ciel, jusqu'au ciel dans lequel est Allah, ou jusqu'au ciel au-dessus duquel est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un hadith dont la chaîne de transmission est authentique et qui mentionne encore une fois que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, et ça c'est une preuve claire. Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Mayyit hina tuqbad ruhuhu yus'ad biha ila as-sama fa'in kanat ruh mu'min uzina laha wa futihat laha as-samawat wa intahat ila Allah subhanahu wa ta'ala fayaqulu Allah 'azza wa jalla أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Donc le cheikh il dit que le mort, lorsque les anges viennent prendre son âme, eh bien il l'amène jusque, yani il l'amène dans les cieux. Et si c'était une âme qui était bonne, une âme d'un croyant, on lui permet d'entrer et les portes des cieux s'ouvrent pour lui, hein, pour cette âme. Et elle arrive jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, ramenez-le sur la terre, car c'est de la terre que je les ai créés, et c'est en celle-ci que je vais les retourner. Et c'est de là que je vais les faire sortir une autre fois. Et ça c'est une partie donc du hadith qui est rapporté selon Al-Bara ibn Azib. Et c'est un très très long hadith. Et ce terme-là se retrouve dans la version de l'imam Ahmad dans la Musnad et également dans la version de Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et celle de Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Ensuite il dit na'am, il dit le Cheikh Al-Fawzan amma al-kafir fa innahu la tuftahu lahu as-samawat bal tughlaqu dunahu abwab as-sama wal 'iyadu billah قال تعالى لا تفتح له لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح روحه إلى الأرض طرحا شد بشدة ويلقى من الهوان والذلة ويلقى من الهوان والذلة وتذهب روحه إلى سجين حين يقول سبحانه اكتبوا كتاب عبدي في سجين وهي أسفل سافلين والعياذ بالله. Et en ce qui concerne le kafir, eh bien, les portes des cieux ne s'ouvrent pas pour lui, hein, du fait qu'elles se ferment, hein, et elles, les portes des cieux se ferment devant lui. Il ne peut pas monter plus haut. Voilà, iyadu billah, hein, que Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, hein, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, les portes des cieux ne s'ouvrent pas pour eux. ولا تفتح لهم أبواب السماء. C'est dans le verset 40 dans sourate Al-A'raf. Donc son âme est renvoyée sur terre, hein, et elle est en fait relancée avec force sur terre. Et il est humilié et rabaissé. Hein, cette âme est humiliée et rabaissée. Et son âme descend vers As-Sijjin. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, écrivez dans le livre de mon, écrivez le livre de mon serviteur dans Sijjin, c'est-à-dire dans l'endroit le plus bas des lieux, dans le plus bas des lieux. C'est là que les âmes sont, ces gens-là sont renvoyés. Voilà, iyadu billah. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فالشاهد من الحديث أن الروح يصعد بها إلى الله فدل على علو الله وأن الله في السماء. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on peut tirer par rapport à ce sujet dans ce hadith, c'est que l'âme s'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala élève les âmes vers lui, et c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, est élevé, et qu'il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est une parole de Abdullah ibn Rawaha, alladhi anshadahu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa aqarrahu alayhi. C'est une parole de Abdullah ibn Rawaha. Il a mentionné ce genre de poème en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ce poème. Donc il a dit shahidtu bi anna wa'd Allah haqqun wa anna an-nar mathwa al-kafirin wa anna al-arsh fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arsh rabbul alamin. Donc c'est ça la parole. C'est-à-dire, je témoigne que la promesse d'Allah est véridique, et que le feu sera la destination des mécréants, et que le trône est au-dessus de l'eau, hein, et que au-dessus du trône il y a le Seigneur des mondes, et que au-dessus du trône il y a le Seigneur des mondes. Donc ça c'est l'histoire qui est rapportée. Il dit wa qissatu Abdullah ibn Rawaha lamma waqa'a ala amatihi wa ankarat ala alayhi zawjatuhu. Ayna. In kunta sadiqan faqra al-Qur'an fa'arada alayha wa zakara abyatan fa qalat amantu billahi wa kadhabat basari. Donc ça c'est ça l'histoire qui est rapportée. Cheikh Al-Rajihi le rapporte aussi dans son livre, dans son charh. Il dit wa mujmal qissatihi ma'a zawjatihi annahu kana li Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu jariya fa absaratuhu yawman zawjatuhu wa qad khala biha فقالت لقد اخترت نعم لقد اخترت أمتك على حريتك فأنكر ذلك قالت إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن لأن الجنب لا يقرأ القرآن فقرأ عليها هذه الأبيات وهي لا تحفظ القرآن فظنت أنه قرآن وكانت تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن على هذه الحالة قال فأسمعها البيت الأول من الأبيات الواردة في النص فقالت زدني آية فقال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة الكرام ملائكة الإله مقربين فقالت آمنت بالله وكذبت بصري فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك من صنيعه وهذه القصة تروى ولكن في ثبوتها نظر نعم donc il dit ici que cette histoire c'est que يعني Abdullah ibn Rawaha il s'est fait voir avec يعني sa femme l'a vu avec son esclave un jour et il était seul avec elle يعني c'est permis pour lui parce que c'est son esclave donc il a le droit d'être avec elle seul et même d'avoir يعني des rapports avec elle sauf que sa femme elle a pas aimé ça elle a dit t'as préféré ton esclave à ta femme qui est une femme libre alors il a nié et elle a dit dans ce cas là si tu es véridique alors récite des versets du Coran parce que la personne quand il est en état d'impureté dû à des relations des rapports intimes ou des rapports sexuels il ne peut pas réciter le Coran alors elle lui a demandé de réciter des versets du Coran et lui au lieu de réciter des versets du Coran il a récité des vers de poésie et elle ne mémorisait pas le Coran donc elle a pensé que c'était du Coran et parce qu'elle savait que la personne qui est en état de janaba, elle ne peut pas lire le Coran dans cet état-là. Alors, il lui a fait entendre ses vers. Et lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit, « Je crois en Allah et je démentis qu'est-ce que mes yeux ont vu. » Et Abdullah ibn Rawah a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il avait fait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ri de cet événement, de cette situation, qu'est-ce qui était arrivé. Et le cheikh, il dit à la fin, il dit cette histoire, elle est rapportée, mais son authenticité est à vérifier. Mais son authenticité est à vérifier. Donc, non, c'est ça. C'est ça, 55. Donc, il dit dans le charh de cheikh Al-Fawzan, on mentionne ici que c'est rapporté par Ad-Darimi dans Ar-Rad al-Jahmiyyah et Ad-Darqutni dans As-Sunan et par Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq avec des chaînes de narration dans lesquelles il y a des paroles dans les chaînes de narration dans lesquelles il y a des paroles et Ibn Abd al-Barr il mentionne dans Al-Isti'ab que ça a été rapporté de différentes façons dont certaines d'entre elles étaient authentiques. Mais Al-Dahabi dans Al-Ulu, il dit Rouya min wujuhin mursala. Ça a été rapporté, mais ce n'est pas des narrations authentiques. وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبياتا غير ما ذكره المؤلف فقال فيها أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت Donc ça c'est d'autres vers qui ont été mentionnés dans la version de l'imam Ad-Darqutni dans son Sunan. D'accord. Donc ensuite Après avoir mentionné ça, il y a d'autres explications. Voilà. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit من أقوال الصحابة في إثبات العلو قول الله قول عبد الله بن رواحة الأنصاري وكان شاعرا فصيحا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الإسلام بشعره ورد على المشركين بشعره فهو مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير رضي الله عنهم هؤلاء الشعراء دافعوا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا على المشركين. Donc le cheikh explique que Abdullah ibn Rawaha, ça fait partie des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui affirment que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. C'est la parole de Abdullah ibn Rawaha al-Ansari radiyallahu anhu. Et c'était un poète très éloquent parmi les poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui défendait l'islam avec ses poésies. Et il réfutait et il répondait aux mushrikines avec ses poèmes. Et il était donc comme Hassan ibn Thabit et Ka'b ibn Malik et Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu anhum. Ceux-là étaient les poètes qui ont défendu la da'wah du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui réfutaient les mushrikines. Il dit ensuite wa qissatuhu anna lahu mamluka tasarra biha faradibat imra'atuhu fa akhadatha ghayrat an-nisa fa huwa رضي الله عنه روى لها تروية أين تورية أين روى لها تورية فصدقته فيها. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle la تورية. C'est quelque chose qu'on fait pour éviter. Tu veux pas dire quelque chose, faire quelque chose qui pourrait causer du tort, donc tu dis une chose, tu fais paraître une chose comme étant, comme si c'était la vérité, mais tu le dis pas dans son sens clair ou direct. Toi, tu veux dire quelque chose pour toi-même, mais la personne, elle va comprendre ce qu'elle veut comprendre de ce que tu lui dis. Donc, at-tawriya. Et il dit, فَصَدَقَتْهُ فِيهَا حَيْثُ أَتَى بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ. فظنت أن هذا من القرآن. Donc il a cru que c'était le Coran. لأنه لما جاءت إليه أنكر أنه فعل شيئا. قالت إن الذي يكون عليه جنابة لا يقرأ القرآن. فقرأ القرآن. فأتى بهذه الأبيات ليوهمها أنها من القرآن. فصدقته وهي تورية. Donc c'est une تورية. Et il explique ici dans مختار الصحاح ور الخبر تورية أي ستره وأظهر غيره كأنه مأخوذ من وراء الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر. سيسا دوك التورية سيسا ور الخبر تورية سيسا إلى كاشي لافير إي يعني il lui montre autre chose que qu'est-ce qui est arrivé. Donc c'est ça l'expression. والتورية للإنسان أن يفعلها إذا لم يكن ظالما. Donc on a le droit de faire la تورية lorsque on ne cause pas d'injustice, lorsqu'on ne cause pas d'injustice à quelqu'un. Tant qu'on ne cause pas d'injustice à quelqu'un, on a le droit de le faire. فصدقته بذلك فقالت آمنت بالله وكذبت وكذبت بصري وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. أي نعم. Donc elle dit je crois en Allah et je démentis ce que mes yeux ont vu. Et il a rapporté l'histoire de qu'est-ce qu'il a fait et le prophète صلى الله عليه وسلم a approuvé. Bon, mais le point important dans toute cette histoire c'est وفوق العرش رب العالمين. C'est ça le plus important, puisque on voit que il affirme ici, le prophète صلى الله عليه وسلم affirme cette parole que il dit que Allah est au-dessus du trône, que le trône est sur l'eau et que Allah est au-dessus du trône. Et c'est ça le plus important dans ces vers. Naam. Ensuite, un autre exemple. Il dit وقول أمية ابن أبي الصلت ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وغيره من شعره فاستحسنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه نعم وقال آمن شعره وكفر قلبه. Donc, c'est la parole de Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi. Et non, il fait partie des shu'ara de la Jahiliya. Et وَكَانَ عَابِدًا مُتَنَسِّكًا عَلَى دِينِ النَّصَارَى, qui était sur la religion des chrétiens. Donc, on va l'expliquer ça de toute façon après. Donc, il a dit ce poème devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé son poème. Et il l'a approuvé. Et il a dit, son poème a cru, mais son cœur a rejeté la foi. Son poème a cru, mais son cœur a rejeté la foi, n'a pas cru. Le poème en question, c'était lorsqu'il disait, مَجِّدُ اللَّهَ فَهُوَ لِلْمَجْدِ أَهْلُ رَبُّنَا فَوْقَ السَّمَاءِ أَمْسَى كَبِيرًا بِالْبِنَاءِ الْأَعْلَى الَّذِي سَبَقَ النَّاسِ وَسَوَّتْ وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. Donc ça c'est qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rapporte ici comme vers de ce poème, et qu'est-ce que ça signifie, yani ça signifie de yani glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est celui qui mérite la glorification. Notre Seigneur est dans les cieux et qu'il est sur la création, il est au-dessus de la haute création qu'il a créée, yani avant la création des hommes, et il est au-dessus des cieux, yani sur le trône. Et شرجعاً ما يناله بصرة ترى دونه الملائكة صورة. C'est-à-dire tu vois les anges en dessous du trône en train de comme si les coups penchés à cause de la lourdeur du trône qu'ils supportent. Donc ça c'est qu'est-ce qui est rapporté ici. Puis le cheikh il mentionne le Cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que ça signifie. Dit Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi min shu'ara al-Jahiliyyah wa kana 'abidan mutanassikan 'ala din al-Nasara wa kana yadhun annahu alladhi sayub'ath nabiyyan fa akhadha yataharra al-bi'tha wa rashaha nafsahu annahu huwa an-nabiy alladhi sayub'ath. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به لكنه كان يقول أشعارا في الجاهلية وفيها حق فيها حق ومنها هذه الأبيات والنبوة لا تدرك بالتربية ولا بالتحري وإنما هي اختيار من الله واصطفاء من الله هو الذي يصطفي عز وجل. Donc, le cheikh, il dit que, donc, c'était Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi, c'était un poète de la Jahiliya. Et c'était quelqu'un qui adorait sur la voie de la religion des chrétiens. Et il pensait que c'était lui qui allait être prophète, qui allait être envoyé comme prophète. Et il attendait donc, il s'attendait lui-même à être déclaré ou à être envoyé comme prophète. Et il s'est même déclaré, ou il s'est même présenté lui-même, choisi lui-même comme étant le prophète qui va être envoyé. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, est venu, et que c'est lui qui a été envoyé comme prophète, eh bien il a été jaloux de lui, et il a renié sa mission, il a refusé de croire en lui. Toutefois, il disait dans la Jahiliya des poèmes, dans lesquels il y avait des choses vraies. Et parmi ces exemples, il y a ces vers. Et il dit que le Cheikh Al-Fawzan dit que la prophétie, c'est pas quelque chose qui s'attrape ou qui peut être atteint par une sorte d'éducation personnelle ou une sorte de recherche personnelle de cette chose-là. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit ceux qu'il veut comme prophètes. Et c'est lui qui les prend et qui choisit qui va être le prophète. Il dit ensuite, Cheikh, قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فلا تدرك النبوة بالتربية ولا بتهذيب النفس مهما كان وإنما هي فضل من الله والله يختار من يعلم سبحانه وتعالى أنه يصلح للنبوة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فأمية بن أبي الصلت ما حصل على ما تطلع إليه ورشح نفسه له فحسد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets dans le Coran, comme par exemple le verset 124 dans sourate Al-An'am, il dit Allah connaît mieux là où il place son message. Allah sait mieux là où il place son message. Et le verset 75 dans sourate Al-Hajj, Allah choisit des anges et des hommes, des messagers. C'est lui qui choisit parmi les hommes et parmi les anges et parmi les hommes des messagers. Donc, on ne peut pas obtenir la prophétie et devenir un prophète en faisant soi-même des efforts, des exercices, ou en essayant d'adapter sa personne pour essayer de devenir un prophète soi-même. Ça, c'est pas possible. Peu importe qu'est-ce que tu fais. Parce que c'est uniquement une grâce d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il choisit, celui qu'il connaît comme étant apte à la prophétie et apte à être un prophète, yani c'est lui qu'il choisit pour être son prophète et son messager. Comme il dit dans le verset 124, comme on l'a lu tantôt, sourate Al-An'am, le verset au complet dit « Et ils ont dit, nous ne croirons pas jusqu'à ce que nous vienne la même chose que ce qui a été donné au messager d'Allah. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah sait mieux où est-ce qu'il place son message. Donc, Umayya ibn Abi Salt, il n'a pas obtenu ce qu'il a voulu, ce qu'il a recherché. Et donc, il s'est déclaré ou il s'est placé lui-même comme prophète. Et à cause de ça, il a été jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec sa mission. آمن شعره لأنه كان حقا ولكنه كفر قلبه حيث لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وغضبا على الله والعياذ بالله لأن الله لم يبعثه. Donc il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم ses poèmes ont cru, c'est-à-dire parce qu'il y a du vrai dedans, mais son cœur a mécru parce qu'il n'a pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par jalousie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par colère contre Allah, wa l'ayyadu billah, de ne pas l'avoir suscité ou envoyé comme prophète. Et ça c'est grave, quelqu'un qui est en colère contre Allah, ça c'est grave. Et le cheikh il dit, le cheikh il dit, ash-shahidu min qawlihi rab. ربنا في السماء أمسى كبيرة أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا دليل على أن أهل الجاهلية يقرون بعلو الله. Donc le cheikh il dit que le point qu'on veut tirer dans ce hadith, dans cet exemple, c'est lorsque il dit وربنا في السماء أمسى كبيرة. Eh bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prouvé de cette parole que notre Seigneur est dans les cieux C'est-à-dire que ça, c'est la preuve que يعني, Allah est au-dessus de sa création et que يعني, même les gens de la Jahiliya affirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus de sa création. Hein? Donc ça, c'est un autre exemple. Et cette histoire, elle est rapportée par l'imam muslim dans le Kitab al-Shi'r, hein, dans le Kitab al-Shi'r, dans le Sahih de l'imam muslim. Et non. OK, نعم. Ensuite, il dit wa qawluhu fi al-hadith alladhi wa fi al-hadith alladhi fi as-sunan inna Allah hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Donc, ça c'est un autre exemple. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah et Ahmad et Ibn Hibban et Al-Bazzar et Al-Bayhaqi dans Al-Kubra et Al-Tabarani dans Al-Kabir et Al-Hakim dans Al-Mustadrak et Al-Khatib fi Tariq Baghdad. Et c'est un hadith rapporté selon Salman Al-Farisi. Et يعني, Al-Hafiz dans Fath al-Bari, il l'a déclaré comme il a déclaré la chaîne de transmission comme étant bonne, hein, comme étant bonne. Et il dit au sujet de OK, non, il dit, je m'excuse, non. Donc il dit le Cheikh Al-Fawzan à propos de ce hadith qui signifie en passant que yani, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est timide et généreux. Et il est gêné, hein, il est gêné que son serviteur élève ses mains vers lui, que ses mains se retournent vides, hein. C'est-à-dire, lorsque son serviteur élève ses deux mains vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est gêné de lui renvoyer ses deux mains alors qu'elles sont vides. Donc, le cheikh, il explique. Il dit, هذا الحديث فيه وصف الله بالحياء والحياء صفة حميدة يوصف الله بها على ما يليق بجلاله وهو ليس مثل حياء المخلوقين كما أنه يغضب ليس كغضب المخلوقين ويرضى ويكره فهو يوصف بالحياء أيضا ولكنه حياء خاص ولائق به سبحانه وتعالى يستحيي سبحانه وتعالى أن يمد عبده يديه إليه بالدعاء فيردهما صفرا يعني خاليتين بل يستجيب سبحانه لمن دعاه ورفع يديه إليه لأنه قريب مجيب. Donc, le cheikh explique que dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme ayant l'attribut de la timidité ou de la gêne. Et la gêne est une caractéristique louable, hein, et noble, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est décrit, hein, selon ce qui convient à sa majesté. Et ce n'est pas comparable à la gêne ou à la timidité des créatures. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère, ce n'est pas comme la colère des créatures, et qu'il agrée, qu'il est satisfait, et qu'il déteste certaines choses, eh bien, il est également décrit comme ayant la gêne aussi. Mais c'est une gêne ou une timidité qui est particulière à Allah subhanahu wa ta'ala et qui convient à sa majesté. Et qui lui convient à lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est gêné que son serviteur élève ses mains vers lui dans l'invocation, puis qu'il les renvoie hein, vide, ou qu'il les rabaisse vide, c'est-à-dire sans lui donner ce qu'il a demandé. Il dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à l'invocation de celui qui lui demande, lorsqu'il élève ses mains vers lui, car il est il est proche et il exauce les personnes qui lui demandent. Et il dit le Cheikh Al-Fawzan ensuite, « وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا وَصْفُ اللَّهِ بِالْحَيَاءِ وَصْفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِالْحَيَاءِ وَفِيهِ وَصْفُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّهُ فِي الْعُلُوِ لِأَنَّ مَدَّ الْيَدَيْنِ إِلَىٰ أَعْلَى إِشَارَةٌ إِلَىٰ الْعُلُوِ » Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet athar, ou de ce hadith? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme possédant l'attribut de la gêne ou de la timidité. Et il y a également la description d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant au-dessus de sa création, hein, puisque les serviteurs lèvent leurs mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui indique yani, qu'il est au-dessus de sa création. Donc ça c'est un autre élément, un autre argument. Donc le cheikh il dit, et dans un autre, cheikh l'islam ibn Taymiyyah il dit, وَقَوْلُهُ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبْ يَا رَبْ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبْ يَا رَبْ, c'est-à-dire dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, en parlant de l'homme qui est dans le désert, qui a perdu tous ses moyens, il lève, il tend ses mains vers le ciel et il dit « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Hein? Ça c'est dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par l'imam Muslim. « Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab ». Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce hadith « Hada fi hadith al-musafir ». لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب محل ومحل الشاهد من الحديث قوله يمد يديه إلى السماء أي إلى الله جل وعلا لأن الله في السماء فهو يمد يديه إلى الله إشارة إلى العلو يا رب يا رب يكرر الدعاء وهذا فيه الإلحاح بالدعاء وتكرار الدعاء لأن هذا من أسباب الإجابة ولكن مع وجود هذه الأسباب للإجابة أنه مسافر وأنه رث الخلقة من السفر وأنه يمد يديه إلى السماء وأنه يكرر الدعاء ويلح في الدعاء لا يستجاب دعاؤه بسبب المانع الذي عنده وهو أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام لأنه لم يأكل من الطيبات والله عز وجل يقول ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. Donc, le Cheikh il explique. Il dit, نعم. Donc ce hadith, c'est le hadith du voyageur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith dans lequel il dit que Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants la même chose que ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il mentionne le verset 51 dans Surat al-Mu'minun dans lequel il dit « Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et faites des bonnes œuvres. Je sais ce que vous faites, je suis parfaitement connaissant de ce que vous faites. » Et il mentionne le verset 172 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses de ce que nous vous avons donné comme subsistance et soyez reconnaissants envers Allah si c'est réellement lui que vous adorez. » Puis il mentionne par la suite l'homme qui a fait un long voyage et qui est rempli de poussière, ses cheveux sont en désordre, et il est rempli de poussière, et il élève il tend ses mains vers le ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab, hein. Et yani, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là ici? C'est le fait qu'il tire ses mains ou qu'il étend ses mains vers le ciel, hein, il tend ses bras vers le ciel et il dit au Seigneur, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Et il tend ses bras vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers les hauteurs, hein, vers Al-Ulu. Et il dit Ya Rab, c'est-à-dire qu'il répète le dua, hein. Et il y a dans ça l'indication qu'il est yani, en train de faire un dua avec beaucoup de dévotion et qu'il répète son dua à plusieurs reprises. Et ça fait partie des causes de yani, que des causes qui font que le dua est exaucé, hein, parce que ça fait partie des causes. Par exemple, le fait que quelqu'un est voyageur, ça c'est une cause qui fait que le dua soit exaucé. Et en plus, il est dans un état très, très dégradé à cause du voyage qu'il fait. Et en plus, il tend ses bras vers le ciel et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de dévotion, beaucoup de, hein, de sincérité. Et malgré tout, il n'est pas exaucé. Et la raison pour laquelle il n'est pas exaucé, c'est à cause de choses, des choses qui empêchent qu'il soit exaucé et qui sont mentionnées à la suite du hadith. C'est-à-dire qu'il mange du haram, il boit du haram et ses vêtements, et il les prend avec du haram. Hein? Et tout ce qu'il a, c'est du haram. Hein? Et c'est parce qu'il n'a pas mangé de ce qui est bon, des bonnes choses. Et il dit لأنه لم يأكل من الطيبات والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذا لم يأكل من الطيبات وإنما أكل من الحرام فلا يقبل دعاؤه وفي هذا الحديث دليل على علو الله على خلقه في قوله يمد يديه إلى السماء أي إلى الله. Donc il dit que cette personne il n'a pas mangé des bonnes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 157 dans surat Al-A'raf, hein, il vous rend halal ce qui est bon et il vous interdit les choses mauvaises, hein. Et celui-là il n'a pas mangé des bonnes choses, il a uniquement mangé de ce qui est haram et donc son invocation n'est pas acceptée. Et dans le hadith il y a aussi la mention que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Dans le fait qu'il dit, dans le hadith, il tend ses bras vers le ciel, il tend ses mains vers le ciel, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, ça c'est d'autres preuves à ce sujet-là. Ok. Et ensuite, on va voir. Naam. Donc, ensuite, il dit. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bon, est-ce qu'on devrait s'arrêter ici? Je pense qu'on va s'arrêter ici. Inch'Allah. Puis on continuera la semaine prochaine. Parce que là, on a terminé donc de mentionner les preuves des hadiths. Et ensuite, Cheikh al-Islam, il va commencer à mentionner les paroles des salafs. Les paroles des salafs sur la question. Et là, vous allez voir que, comme il le dit lui-même, il y en a des milliers. Des centaines et des milliers de citations sur ce sujet-là dans les paroles des salafs. Bon, je pense qu'on va lire quand même ce point-là, puis on va s'arrêter. Le cheikh, il dit, cheikh l'islam, il dit, il a amsali dhalika mimma la yuhsihi illallah, mimma huwa min ablaghil mutawatir al-lafziyya wal-ma'nawiyya, allati تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et beaucoup d'autres exemples comme ceux-là, de ce qu'on vient de mentionner, il y en a d'innombrables preuves, hein. Seul Allah sait combien de preuves il y en a, tellement il y en a. Et yani, ça, c'est parmi les choses qui sont les, yani, un degré des plus élevés de ce qu'on appelle mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire qui est rapporté par un nombre de personnes, un très grand nombre de personnes. C'est impossible que ce ne soit pas vrai. Et ça fait partie des choses qui sont mutawatir dans les mots et dans le sens. Et dans le sens. Et qui donne une science, une conviction totale, et qui fait partie des sciences qui sont yani, comment je pourrais dire, des sciences qu'on appelle al-ulum ad-daruriyya, c'est-à-dire c'est prouvé par la nécessité que c'est obligatoire d'affirmer et de croire en qu'est-ce qui est rapporté dans ces hadiths-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ça à sa ummah, hein, a transmis ça à sa ummah, qui était appelée à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a appelé à l'islam, et il leur a transmis que Allah était au-dessus du trône, au-dessus des cieux, hein. Et ça, c'est même quelque chose qui fait partie de la fitra, que toutes les nations, même les arabes et les non-arabes, dans la jahiliya et dans l'islam, ont tous été ont tout ça en eux-mêmes, dans leur fitra, dans leur nature profonde. Excepté ceux que les diables ont dévié, hein, de leur vraie nature. Donc, il va mentionner plus loin l'exemple lorsqu'il était avec les Sahaba et qu'il leur a dit dans le Khutbatul Wada', hein, il levait son doigt vers le ciel, hein, il levait son doigt vers les Sahaba, il levait son doigt vers le ciel et il disait aux Sahaba, Ala hal ballagt, hal ballagt. Et les Sahaba disaient, hein, ils disaient oui, nous نشهد انك بلغت ونصحت. Et il levait son doigt vers le ciel et il disait Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Hein, il levait son doigt vers le ciel et disait oh Allah, sois témoin que mes compagnons ont témoigné, que j'ai transmis le message et que j'ai transmis de façon honnête ce que tu m'as ordonné. Donc, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, puisqu'il pointait avec son doigt vers le ciel. Cheikh Al-Fawzan, il explique deux petits points ici, puis on va terminer avec ça. Il dit, Al-ulum ad-daruriyya hiya allati la yumkinu inkaruha. Donc, les sciences qu'on appelle ad-daruriyya, al-ulum ad-daruriyya, c'est les sciences qu'on n'est pas capable de les nier, même si on ne les a pas étudiés. C'est des choses qui sont des vérités, yani, impossibles de renier. Comme par exemple, qu'une partie est plus petite qu'un tout. Une partie est plus petite qu'un tout. Ou comme par exemple, 1 plus 1 égale 2. C'est des choses, des réalités, personne ne peut nier. Hein? L'ulum ad-daruriyya, c'est comme, un peu comme des exemples comme ça. Ensuite, il explique que المتواتر اللفظي هو ما يرويه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته يستحيل تواطؤهم على الكذب. Donc, le متواتر, qu'est-ce qui est متواتر en terme ou en mot? C'est ce qui a été rapporté par un groupe, hein, d'un groupe à l'autre, dans une chaîne de transmission. Et à tous les niveaux de la chaîne, il y a un groupe qui le rapporte du début de la chaîne jusqu'à la fin, de façon à ce qu'il soit impossible que tous ces gens-là se soient mis d'accord sur le mensonge. Et al-mutawatir al-ma'nawi huwa hadith al-ahad alladhi takatharat turuquhu wa ta'addadat riwayatuhu hatta sara madluluhu mutayaqqinan. Donc al-mutawatir al-ma'nawi, c'est qu'est-ce qui a été rapporté comme un hadith qui est rapporté par des petits nombres de personnes, mais qui est rapporté par plusieurs voies, hein, et que lorsqu'on les rassemble et qu'on les calcule toutes, on voit qu'à la fin, ça devient une certitude. Puisque, yani, on voit que c'est un grand, grand nombre de personnes séparées qui ont toutes rapporté la même chose. Donc, c'est ça qu'on appelle al-tawatur al-ma'nawi. En ce qui concerne la fitra, Cheikh Al-Fawzan, il dit al-fitra hiya ma khalaqa Allah alayhi al-khalq min ma'rifatihi wa liqrari bi wahdaniyatihi illa man fasadat fitratuhu min illa man afsadat fitratuhu ash-shayatin illa man afsadat fitratuhu ash-shayatin qala sallallahu alayhi wa sallam kullu mawludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي كل مولود يولد على الإسلام قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون donc le cheikh explique que la fitra c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé يعني ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé par rapport à la création et qu'est-ce qu'il a donné à la création comme connaissance et comme le fait d'affirmer l'unicité d'Allah excepté celle dans les créatures dont la fitra dont la nature a été corrompue par les diables comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que tout bébé qui naît il naît sur la fitra hein, il naît sur la fitra. Ce sont ses parents qui le font devenir soit juif, soit chrétien, ou soit majus. Hein? Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Il dit que, en fait, ça veut dire que tout enfant est né sur l'islam. Hein? Et que c'est ses parents qui le fait sortir de l'islam vers le shirk ou le kufr. Et il mentionne le verset 30 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors, mets ton visage droit sur la religion de l'unicité d'Allah, la religion Hanif. Hein, le fait de se tourner vers Allah et de se détourner des idoles, de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein, tu te détournes de ça. Et tu te tournes uniquement vers Allah. Ça, c'est la fitra d'Allah. Hein, que Allah a, sur laquelle Allah a créé les hommes. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Et voilà la religion de la droiture, mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc c'est ici qu'on s'arrête donc pour le cours d'aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on commence, Inch'Allah, ou bien plutôt on continue avec le début des explications maintenant des salaf à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Al-Ulu. Hein, et on va mentionner donc qu'est-ce que Cheikh l'Islam a dit et les explications de ça dans les paroles des salafs. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.